Mon nom est Trunks. Ça peut paraître étrange, mais je viens de 20 ans dans le futur grâce à une machine à voyager dans le temps. C'est incroyable! Asa Soti! Oh! Yannick Home! Oh! Leur puissance est stupéfiante, même selon nos standards. Ce sont des monstres! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Animinute EX Alpha Prime. Aujourd'hui, nous sommes trois autour de cette non-table pour une fois, pas de table ici. Je suis avec Benjamin. Comment ça, Benjamin? Ça va, ça va. Et pour la première fois avec Vaya. Ça va? Ça va, ça va. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu que nous a encore envoyé Coach Media très, très gentiment. Un peu de retard sur, malheureusement, le test de celui-ci. Mais voilà, il est enfin là. Vous y êtes collés tous les deux. Et donc, du coup, on va parler aujourd'hui. Après, il s'appelle 2022, donc... C'est vrai, c'est Let's Sing 2022. Voilà. Bon, finalement, c'est eux qui étaient un peu trop en avance. Hein. Nous, on est bon. Exactement. Finalement, nous, on est bon. Et donc, bah, qu'est-ce que c'est ce Let's Sing 2022 qui veut un peu nous expliquer un peu, Vaya, si tu veux nous dire qu'est-ce que c'est finalement C'est un jeu de karaoké qui est sorti sur Switch, PS4 et PS5, Xbox One et puis les séries SX. On peut dire partout. Partout sauf sur PC. Voilà. Pour une fois, c'est le PC. C'est sauf sur PC, c'est pas sauf sur Switch. Voilà. Ça fait du bien un peu des fois. Donc voilà, c'est un jeu de karaoké. Il y a 40 chansons dedans et puis différents modes de jeu. Ok, on va revenir un peu sur la description de tout ça. On a testé la version PS4. On a testé la version PS4. Ouais. Ok, est-ce que ça a la plus grande importance? On verra. Sûrement plus, ce sera peut-être au niveau du matos, effectivement. Connectique, sûrement plus simple sur PS4. Après, il y a du USB, par exemple, sur Switch aussi. Ouais, oui. Donc, j'ose espérer que ce soit de la même connectique, grosso modo, partout. Du coup, jeu de karaoké, donc voilà, chansons. On a déjà dit 40 chansons. Ouais. Est-ce que déjà, il y a des DLC? Est-ce que, grosso modo, c'est 2022, donc comme... les Just Dance notamment qui évoluent aussi au fur et à mesure de l'année, est-ce que quand même il y a déjà eu ou on espère des nouvelles chansons au cours de cette année? Dès la sortie en fait il y avait des packs de DLC qui étaient déjà présents, des DLC à thème, DLC 90, DLC rock, DLC comme ça. Donc c'est bien, c'est qu'on peut en gros filtrer, c'est plutôt qu'acheter un gros pack de DLC avec un peu tout dedans. On peut quand même filtrer un peu avec nos goûts, nos envies. Après, il y avait 13 packs avec 5 chansons chacune. Et on est à combien à peu près niveau prix sur ces packs-là? 4,99 le pack. Et donc puis, 1€ la chanson, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et par contre, et si on achète, c'est 54€, ça fait 85 centimes la chanson. Ok, bon, c'est pas mal. Je trouve que c'est le prix des DLC de façon classique, hein, on va pas se mentir. C'était pareil dans les Guitar Hero, etc., etc. Du coup, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu, finalement, c'est un jeu de karaoké, donc on imagine bien à peu près à quoi ça ressemble, hein, jusqu'ici tout va bien, mais finalement, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce jeu de karaoké? Est-ce qu'il y a du solo? Est-ce qu'il y a du multi? Est-ce qu'il y a des choses un peu particulières qui sont un peu uniques à ce jeu? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Ben, si tu veux y aller. Il y a un mode solo, un mode solo qui va être des chansons qui vont être imposées, et il va falloir avancer, réussir la chanson, on va débloquer des skins pour les quatre personnages qui sont présents, solo qui existe mais qui est relativement anecdotique pour un jeu de karaoké. D'accord. Comparé à, on peut avoir par exemple les solos de, moi je connais Guitar Hero notamment, les jeux de karaoké je me suis resté à SingStar qui avait pas de solo à proprement parler, mais par exemple Guitar Hero qui est un peu romancé, un peu tout ça, est-ce qu'il y a un peu de cette idée ou pas du tout? Il y a le mode légende qui est un peu un mode carrière où on progresse. Voilà. C'est le solo où on progresse un peu. Après, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un peu moins d'histoire dans ce mode carrière, dans ce mode légende, que ce qu'il pouvait y avoir dans les Guitar Hero, où on était vraiment passé du mec dans son garage à la superstar sur toutes les scènes. Exactement. Là, on est plus, tu améliores ton niveau de chant, entre guillemets. Oui, voilà. Et du coup, on parlait du coup de scoring, donc forcément karaoké scoring. Ouais. Est-ce qu'on a plusieurs niveaux de difficulté pour les gens qui ont du mal, notamment karaoké, quand même, qu'ils aient un sentiment un peu de réussir, et d'autres qui peuvent être plus forts et devoir faire des choses de précision, ou est-ce qu'on est sur un mode de difficulté unique, on va dire avec une moyenne de fait? Non, il y a différents modes de jeu où ça peut être plus dur parce que des fois il faut chanter chacun son tour, tout ça, mais après il n'y a pas différentes difficultés. Okay. Après, les chansons ont une difficulté marquée. D'accord. Les chansons vont avoir le niveau de difficulté, mais il n'y a pas possibilité de changer la difficulté d'une chanson. Okay. Par contre, j'avais lu que d'habitude c'était juste la justesse de la voix qui était prise en compte, et maintenant c'est apparemment le rythme, le fait de tenir la note et les paroles. On ne peut plus faire là. Ouais, est-ce que vous avez testé justement? J'entends yaourt notamment, est-ce que ça marcherait ou non? Grosso modo, semble pas vraiment trop tester ça. Après, c'est vrai qu'il y a un mode notamment, où le fait de tenir les notes et les rythmes était assez important sur un des modes duo. Ouais. Et il y a un mode où les paroles disparaissent aussi. Ça, c'est, si ouais, on chante c'est... pas très bien. C'est Esenagi qui présente, non, c'est... non mais, par exemple, il y a un mode duo qui change un peu d'habitude, parce que d'habitude, le mode duo en karaoké, c'est l'un contre l'autre. Ouais. Et là, c'est un mode duo en coopération, en fait. D'accord, et ça fait du coup un peu en passe-passe, etc. C'est un mode duo, et ouais, ça va être en passe-passe, ça va passer de l'un à l'autre. Et il va falloir notamment penser au moment où ça va passer, parce que ça va passer entre la fin d'une phrase et le début d'une autre. Mmh. Et en fait, tu vas avoir des points supplémentaires. Si la première personne termine bien sa phrase et la deuxième la commence bien au bon moment, au bon rythme, qu'il n'y a pas c'est cool, ça. Drop, etc. Okay. Et d'ailleurs, on peut y jouer en solo aussi. C'est le mode fit et on peut jouer avec un, je pense... Une IA, ouais. Moins avec intéressant, déjà. Avec la star, apparemment, de la chanson. Ouais, la fameuse star. Voilà. Est-ce que, du coup, donc vous avez joué en local, en multi, si je comprends bien. Oui. Est-ce qu'il y a moyen de jouer en online, en multi, avec des gens à travers le monde et de les entendre, notamment? Ça pourrait être rigolo. Un leaderboard. Ouais, bah ça, je m'en doute bien, ouais. Online, mais il me semble pas que... C'est en différé, on peut juste comparer nos scores avec les joueurs. Ouais, voilà, leaderboard. Comparé à ce que faisait Twitch Sync, je pensais à ça, où Twitch Sync avait. Mais Twitch Sync était vraiment fait pour le live direct. Ouais, mais tu vois, on pourrait imaginer que les nouveaux jeux de chant s'en inspirent. Parce qu'effectivement, Twitch Sync, ça marchait de ouf. Ouais. Bon, ça a fermé suite à problème de droit, etc. Voilà, hyper intelligent de s'en faire comme ça. Mais voilà, ça c'était encore autre chose. Ça, c'est notre débat. Effectivement, c'est qu'on pourrait croire que les prochains. Parce que ça reste finalement quasiment l'un des rares jeux de karaoké qui sort tous les ans. Ouais. C'est un peu le Call of Duty Singing, quoi, finalement. Et on aurait pu croire qu'effectivement, ils poussent un peu loin et s'inspirent un peu de Twitch Sync. Ça aurait pu être sympa. Et je sais pas si vous avez fait les précédents du coup de la licence. Non. Donc pas de comparaison avec les prochains. Vous savez pas s'il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport aux précédents. Pour revenir du coup au cœur du jeu qui est quand même la setlist. Ouais. Est-ce que c'est plutôt musique actuelle? Est-ce qu'il y a un peu de tout? Très anglophone, francophone? Alors sur les 40 chansons de base, la version française, en fait, il y a 20 chansons internationales, donc américaines, essentiellement. Ouais. Pas de K-pop, du genre qui traîne. Et 20 chansons françaises, mais à télécharger. Elles ne sont pas incluses déjà dans le CD. D'accord. Mais qui sont gratuites. Oui, elles sont gratuites. Il y a un code qui est donné. Ah oui, d'accord. Donc... Et d'ailleurs, le code, c'est assez compliqué, en fait. Parce que dans le jeu, ils te disent de télécharger depuis la boutique du jeu. Ouais. Mais la boutique du jeu, quand on l'a testé, nous, ça nous disait qu'il n'y a pas de DLC. Ah oui, d'accord. Alors que quand on est passé par le PS Store, il y avait les DLC. Donc on a pu rentrer notre code pour aller chercher. Pas très précis, quoi. Mais du coup, il faut passer par le PS Store pour rentrer le code et pas passer par la boutique dans le jeu. Ok. Et il n'y a pas le choix du DLC. On ne peut pas prendre un autre pays ou. Ça m'étonne quand même. 20 chansons, c'est 20 chansons françaises. Ouais. Et du coup, impossible d'avoir les 20 chansons supplémentaires d'un autre pays, genre par exemple aux États-Unis ils ont 20 autres chansons. Ouais. Même en payant, ils n'ont même pas laissé la chanson. On n'a pas le DLC chansons américaines. C'est un peu dommage. Parce que On a les DLC donc à thème 90, etc., évidemment. Mais pas les DLC chansons. Genre version pays. Anglaise, version japonaise, etc. Ça aurait pu être sympa, ils existent, effectivement, ils auraient pu peut-être les donner. Les donner ou. Enfin, les donner, entre guillemets. Les rendre accessibles, même payants, c'est ça que je veux dire. Ouais, les rendre accessibles, même payants, voire laisser le choix à l'utilisateur sur un DLC gratuit. Un DLC gratuit. Après, c'est possible aussi que ce soit encore des histoires de droits suivant les pays. C'est fort probable. Et donc, du coup, malheureusement, pour l'occasion, si on achète d'occasion, forte chance de rater le code. Et du coup, d'avoir que 20 chansons de base dans le jeu. J'avais pas pensé à ça. Malheureusement, c'est un peu dommage, effectivement. C'est le genre de jeu que j'irai acheter d'occasion. Tu vois, en plus, ça sort tous les ans. Ou alors j'irai effectivement l'acheter sur le store en solde. Là, du coup, je pense pas de soucis. J'espère en tout cas pas de soucis. Je pense que ça doit être intégré en téléchargeant, effectivement. Je pense, ouais. Mais effectivement, si je vais le prendre en boîte, là d'occasion, sûrement un moyen peut-être d'ailleurs de contrer ça, d'ailleurs, c'est probable. D'accord. Et donc 40 chansons, des packs. Et du coup, pour chanter. Et au niveau de la tracklist en elle-même, tu demandais si c'était plutôt du récent. Oui, effectivement, oui. Un peu de tout aussi. On avait fait un peu de stats sur les chansons françaises. Ouais. Pas sur les américaines, mais sur les chansons françaises. Sur les américaines, c'est plus un ressenti. Ouais. Sur 20 chansons, il n'y en avait que 4 qui dataient d'avant 2010. Ouais, donc. Et les autres, elles avaient soit moins de 5 ans, soit une qui avait moins de 10 ans. Ok. Oui, donc ça va finalement. C'est très, très. J'ai envie de dire, heureusement pour des jeux qui sortent tous les ans. C'est ça. C'est que, bah, effectivement, il vaut mieux qu'il base sur l'actu. Et donc, American, ça doit être grosso modo la même chose. American, ça m'a semblé plus étalé. Plus étalé déjà. Après, en même temps, il y a plus de quantité aussi. Et si chaque année, il n'y a que 20 chansons de base, on va dire, actuelles américaines, je pense qu'ils ont de quoi piocher. Et dans le style, est-ce qu'on est vraiment que sur du chanté ou est-ce qu'il y a un peu de rap? Est-ce qu'il y a un peu de choses un peu différentes? Ou est-ce qu'on est vraiment sur de la pop de façon générale? Ouais, pas mal de pop, chansons françaises. Il y avait Charles Aznavour dans les chansons plus anciennes. Il y avait Aladdin de Disney. Ouais, un petit peu de chansons de films, enfin de films du coup, entre guillemets quoi. Fin... Et puis sinon, c'était des chansons récentes de pop, Vita Slimane, trucs comme ça. Vita Slimane qui a réussi à avoir deux chansons sur les 20 françaises. Ouais, deux chansons. Ouais, c'est... Enfin, voilà, c'est, étonnant, les chansons, hein. C'est les chansons actuelles, celles qui marchent, qui s'écoutent dans les playlists radio actuelles. Quoi. Voilà, donc vraiment c'est du mainstream, même en anglais, je suppose que c'est plutôt du mainstream. C'est normal, il faut vendre. C'est ça. Est-ce que vous n'avez pas testé les packs DLC encore? Non, vous n'avez pas zioté trop? Non, DLC. Bah, quand je me dis, il n'y aura plus de nous en envoyer, si jamais. On avait plus envie d'acheter le jeu spécial Queen que racheter des DLC. Parce que du coup, il y a un... Après, il y a des, y a des jeux vraiment avec comme thématiques. Guitar Hero. Ouais. Comme Guitar Hero. Des jeux thématiques. Et par contre, la question qui se pose, c'est quand on achète un jeu thématique, est-ce qu'on peut importer les chansons sur la nouvelle Effectivement. Enfin, voilà. À tester à l'occasion si jamais. Ouais. Et du coup, je voulais parler un peu de matériel, parce que pour chanter, il faut des micros. Et du coup, alors, je sais que Koshmedia, nous n'avons pas envoyé de micro. Mais est-ce que dans le commerce, il y a des packs micro? Dans le commerce, il y a des packs micro, ouais. Il est vendu avec les packs micro pour 60 euros. Nous, on l'a testé avec les micros SingStar PS2. À l'ancienne, donc avec l'adaptateur. Qui était avec l'adaptateur USB qui était à l'époque sur PS2. Oui, exactement. Et donc ça a fonctionné. Et à un moment, on a eu un micro qui a eu un problème. D'accord. Donc on a pu tester le gros truc de Let's Sing au niveau des micros, qui est l'application sur téléphone. D'accord. Et ça marche bien du coup? Je vais laisser Vaya en parler parce que c'est surtout toi qui l'as utilisé. Ouais, franchement ça marche bien. J'ai pas l'impression d'être désavantagé ou quoi. Donc ça marche bien. Et du coup, j'avais un peu peur au niveau de la latence, mais pas eu. Et du coup, tu l'utilises comment? C'est genre tu le prends en main comme un micro ou est-ce que tu peux le poser un peu quelque part en mode un peu balai couille? Moi, je l'ai plus pris en main comme un micro, mais c'est comme quand t'es en appel, quoi. C'est le même micro. Oui, d'accord. Donc finalement, on pourrait penser. C'est le micro du téléphone après. Oui, évidemment. Après, on n'est pas là pour la qualité, on est là pour la reconnaissance. Ouais. Donc effectivement, après, pourquoi pas les énormes joueurs. Le petit et truc, on était c'est même que... pas en... on était en Wi-Fi. Et ouais, on était oui, ils se connectent comment d'ailleurs, tiens. On était en 5G. Ça se connecte comment? C'est via le Wi-Fi. C'est via le Wi-Fi. Ouais, c'est une appli, tu reçois un code par SMS. Ok, donc comme les fameux jeux, comme les jeux qui es-tu, etc. etc. Les fameux jeux asymétriques du genre. Il faut être sur le même réseau. Ok, donc, comme Just Dance notamment qui le fait aussi. Mais du coup, ça oblige à être en réseau. À être connecté réseau pour jouer avec le téléphone. Oui, effectivement, on peut être sur le même Wi-Fi avec la console et avec le téléphone. Alors qu'avec les micros, tu n'as pas forcément ce petit. Évidemment. Mais du coup, a priori, n'importe quel micro USB est censé marcher. De ce que j'ai compris, n'importe quel micro, même un casque. C'est les micros SingStar d'il y a 20 ans. Oui, voilà, c'est pour ça que je disais ça. Et donc après, du coup, l'application gratuite. L'application est gratuite, disponible iOS. iOS, Android, ok, donc c'est cool. Donc grosso modo. Même si quelqu'un achète un 100 pack micro, il doit pouvoir jouer sans trop de soucis. Avec son smartphone, tant qu'il a une connexion Internet. Et en plus, comme on disait, au moment où on l'a testé, on avait un problème au niveau de notre connexion fixe. Ouais. Et du coup, on a testé avec un téléphone 4G qui servait de Wi-Fi pour tout le monde, etc. Donc sur une connexion 4G, on n'avait pas de latence sur le micro. Enfin, franchement, c'était... l'application propre quoi. Ok, bah c'est cool, ça permet quand même finalement c'est le matos, c'est aussi on n'a pas trop envie de s'emmerder des fois, puis au moins encore une fois je repense à l'occasion ou autre, et donc ça c'est quand même une bonne nouvelle de pouvoir un peu jouer avec maintenant quasiment tout le monde a un micro USB qui traîne ou alors du coup même avec le téléphone, ça va quand même bien vite. Du coup, mode de jeu, on a dit solo, on a dit multijoueur local. Le multijoueur local, il y a plusieurs types. Ouais. Donc, il y a le mode fit. Yes. Il y a le mode... libre, classique. Libre, l'un contre l'autre, classique. Et il y a un mode party. Il y en a 7, je crois, des modes. Il y a le mode mixtape. Ouais, le mode mixtape. Donc, c'est plusieurs chansons, enfin, plusieurs bouts de chansons qui sont... Il y a des mixtapes par thème. Ouais. Il y a possibilité de créer soi-même sa mixtape. Et du coup, c'est... Enfin, crée sa mixtape, en fait, on sélectionne les chansons, mais on sélectionne pas les moments dans les chansons. Oui, ça c'est normal parce que effectivement, ça essaie de, alors soit de calculer, soit il y en a des prédéfinis pour que ça fitte bien. Et il y a un peu des transitions un peu propres ou juste ça coupe et ça fondu entre deux chansons. On est plus sur le coupé fondu. Ouais, mais ça rendait bien quand même. Mais ça, mais c'est c'était pas, ça rendait quand même pas mal, quoi. Pas c'était, mal, ouais. Enfin, c'était fluide, quoi. C'est pas en plein milieu d'une phrase. Ouais, non, mais j'en doute pas, quoi. C'est pas sur, sur des phrases qui s'enchaînent très vite, quoi. Ouais, c'est pas Kingdom Hearts Mom, quoi, à la fin d'une chanson, quoi. Voilà. Ça me rassure. Oui. Tant qu'à faire. Et oui, il y a 8 modes de jeu. Ouais, il y a le mode party. Ouais. Mode party. Donc, mode party, c'est quoi? Mode party, c'est un mode multijoueur qui va ajouter des mini-jeux. Ah, et quel genre un peu? Le plus marrant, franchement. Ouais, franchement, c'est celui où on a plus. Plus et du coup, il y a quoi un peu? Enfin, il y a quoi comme exemple? Par exemple, en jeu, il y a le jeu de la bombe. Oui. Ouais. Le jeu de la bombe où t'as une bombe vers toi et si tu chantes juste, là, tu vas pouvoir, au bout d'un moment, repasser la bombe à l'adversaire. Ouais. Et il faut qu'il reprenne. Plus tu fais de points, plus tu fais de points et plus ça va passer la bombe vite, okay, etc. Et c'est celui où la bombe explose qui perd. Ah, c'est cool ça. Il y a juste y a les paroles qui disparaissent. Ouais, ouais, plus Nagui. Plus on chante bien, plus le ça devient flou et ouais, en fait ça, d'avoir les paroles. Ça pixelise au niveau des paroles. Ouais. Et plus tu chantes bien, plus les paroles redeviennent visibles. Ok, ouais, c'est cool ça. Et les paroles, et aussi si on chante juste, c'est d'autant plus dur qu'on voit plus ce qu'on fait. Donc, c'est ça. Ah, c'est pas mal ça. C'est le mieux. Il y avait d'autres modes. Un mode sympathique où globalement on envoie des obstacles à son adversaire, ouais, mais des obstacles genre ça va accélérer sa piste ou ça va ralentir ou voilà. Ouais, c'était très sans VS quoi. C'est, ouais, c'est ça. Ouais, c'est cool. Non, c'est cool. Ça ajoute un petit truc très sympathique. Moi, ça me choque bien parce qu'il y a des gens qui aiment pas particulièrement le karaoké ou alors on peut se laisser vite. Hein. Ouais. C'est vrai que 40 chansons finalement on peut vite faire le tour. Outre DLC, attention évidemment. Ouais, ouais, hein. DLC, donc c'est cool d'avoir ces petits trucs qui viennent pimenter la chose. Par contre, le seul problème du mode party, c'est que ces mini-jeux-là, c'est en aléatoire. On ne sélectionne pas le mini-jeu. Ça, c'est dommage. Et au niveau de la chanson, il y a une sélection. En fait, c'est, on te dit, tu vas jouer tel mini-jeu. Ouais. Choisis la chanson parmi ces trois-là. Ah, oui, d'accord. En fait, il y a une sélection de trois chansons sur les 40 qui se fait en aléatoire. Ouais, tu sélectionnes une des trois et tu as le mini-jeu qui est sélectionné aléatoire. Ouais, donc c'est un peu, ça peut être frustrant si on n'a pas forcément envie de jouer telle ou telle chanson. Ouais, si on ne connaît pas les chansons. On a dû choisir la moins pire. Voilà, par exemple, par exemple, surtout celui avec les paroles. On pense sur les chansons qu'on ne connaît pas. Surtout sur les chansons qu'on ne connaît pas. Ou ne serait-ce que les chansons en anglais, forcément, en tant que francophone, même bilingue, on peut avoir du mal aussi, hein, on sait-on jamais. Et après, c'est vrai qu'on aurait apprécié pouvoir utiliser le mini-jeu qu'on voulait sur la chanson qu'on voulait. Ouais, voilà. Sur un truc à part, un mode mini-jeu, entre guillemets. Oui, ne serait-ce que ça, même si c'est pas dans votre partie, effectivement, voilà. Mode mini-jeu libre ou un truc du genre. Et c'est vrai que ça aurait pu être un peu sympa. Du coup, en termes de nombre de joueurs simultanés, c'est deux maximum ou on peut monter jusqu'à 8. Jusqu'à 8. 8 en même temps. J'ai vu le 4. Assez facilement, mais 8. Bah non, c'est... moi j'ai noté 8. Okay, deux équipes, 8. On peut faire. On peut faire des équipes, d'accord. Ouais. Peut-être en mode fit pour du le coup party. Pour le party, oui. Ah, pour le party, oui. Pour le party, on peut aller jusqu'à. Et dans mode libre, du coup, chanson en même temps, classico. Jusqu'à 8 joueurs et deux équipes. Et le mode fit, on peut aussi jouer à plusieurs. J'ai pas noté combien par contre. Mais bon, c'est du multijoueur, c'est pas juste duo. Quoi. Oui, voilà, c'est pour ça ma question, c'est que donc on peut jouer vraiment pas mal en même temps. Ouais, ouais. Donc ça, c'est... Et puis après, ça reste du karaoké, donc même si t'as pas le micro, tu fais les bacs. Quoi. Oui, non, mais voilà, après, c'est toujours plus agréable de pas être celui qui fait pas les points et tout, tant qu'à faire. Après. Il y a quand même le reward. En partie, donc j'imagine, parce qu'on l'a pas testé vu qu'on était que deux, mais si on fait en équipe. Avec plusieurs membres de l'équipe, d'avoir un truc où on passe le micro. Ouais, passe le micro. Ça peut être un mini-jeu où on passe le micro en plein milieu d'une chanson. Non, mais je pense bien. Voilà, donc ça s'est fait dans d'autres jeux à l'époque. Donc, bah justement, tu me donnais une passerelle. C'est par rapport à d'autres jeux. Bah, d'accord, ok. Il y en a plein, que ce soit la concurrence, il y en a eu passé. Il y en a quand même disponibles gratuitement ou non sur Internet, malgré tout, qui sont quand même malgré très utilisés. Alors, pas forcément en termes de. Enfin, 6% de qualité, hein, on est un peu là pour ça. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mieux, moins bien? Est-ce que finalement il est un peu à la traîne par rapport aux autres? Ou est-ce que ça reste une bonne alternative par rapport à d'autres solutions qu'on peut avoir? Les mini-jeux, c'est sympa. Moi, j'avais jamais vu ça dans un jeu comme ça. Ouais, c'est la première fois que j'avais vu dans un jeu de chance, si, par exemple. Ouais, j'avais pu voir dans des jeux un peu plus. Amateur indépendant, sans forcément licence, mais donc sans forcément égalité, malheureusement. Ouais. Oui. Après, c'est vrai que 40 chansons, maintenant, quand on peut être avec le cloud, les abonnements, les trucs comme ça, ça fait pas beaucoup. Quoi. Bah, c'est vrai qu'en plus. Le fait de devoir passer par des DLC, 5 chansons, sans avoir le choix de chanson, je repense à SingStar PS3. SingStar PS3 lui permettait d'aller chercher la chanson. Le karaoké sur Wii U aussi. Voilà. J'ai oublié le nom, malheureusement. Et même Guitar Hero Live, pareil, hein, PS4, voilà, qui avait le système d'abonnement Guitar Hero Live. C'est ça, je pensais à ça, un abonnement. Je pense qu'on est à une époque, effectivement, où. C'est-à-dire qu'avoir le CD avec 20, 40 chansons, ouais, si on télécharge. Oui, voilà. Sachant qu'il y a certains modes qui étaient bloqués tant qu'on n'avait pas téléchargé les 20 chansons françaises. D'accord. Ouais, donc en fait, c'est quand même quasiment obligé d'acheter, de télécharger la version française. Voilà, et ça fait un peu penser plus au SingStar PS2 où tu avais le CD et tu pouvais. Voilà, mais c'est là que tu as les DLC. Oui. Mais enfin, ça manque d'une possibilité d'aller chercher une chanson en particulier. Parce que là, sur un pack de 5 chansons, s'il y en a une qui t'intéresse, tu achètes 5 chansons pour en faire qu'une. Quoi. Ouais, ou un système de rotation. Il y a ça dans pas mal de jeux maintenant. Ouais. Je pense à BeatStar, un jeu mobile pour le coup, mais quand même un jeu de musical. Où, voilà, il y a des musiques en rotation, tu peux les faire une, deux fois, et si elles te plaient, après tu l'achètes à l'unité, ou alors tu as une ressource in-game à force de jouer. Tu vois, un peu du reward, pourquoi pas, voilà, à force de jouer, tu gagnes un peu de reward et tu peux acheter des chansons par-ci par-là. Parce que là, au niveau de ce qu'on peut gagner en jouant, comme j'ai dit tout à l'heure, en jouant solo, on peut gagner des skins pour les 4 personnages. Voilà. Ouais, mais finalement, c'est très limité parce que. C'est tout, il n'y a pas de chansons à gagner. Il y a 4 skins à gagner. Ouais, donc c'est pas non plus énorme. Voilà. Et puis après, on peut écouter. Alors ça, oui, ça fait très vieux jeu, justement. Oui. On peut écouter les chansons. Ouais. On a un mode jukebox. Qui permet de les écouter si on les a chantées, quoi. Ouais, seulement si on les a chantées. Il faut les avoir terminées une fois pour les débloquer dans le jukebox. Je crois même pas qu'il y ait le clip, je sais plus. Si, il y a les clips. Waouh. Il y a les clips, mais. Ça sert à rien, quoi. Ils ont presque créé Internet. Ils ont presque créé Internet, vraiment. Bravo. Oui, donc après, voilà, c'est le cœur du jeu reste quand même le karaoké. Ouais. La partie karaoké en tant que telle, voilà, corps, effectivement, elle y est. On est sur un jeu de karaoké qui révolutionne pas énormément. Mode party, finalement, t'as l'air cool. Le mode party, le mode fit. Ouais, mode fit, voilà. Et essaye d'amener un peu de fraîcheur. Mais effectivement, c'est clair. On aimerait que le cœur du jeu. En fait, notamment, c'est ce genre de jeu, il faut une setlist conséquente. Ouais. 40, c'est pas mal. C'est pas énorme, on va se mentir. Ouais, surtout que. Surtout 40 chants, c'est pas 40 danses, notamment quand on compare à Just Dance. C'est surtout qu'on n'a pas choisi. Donc voilà, on a pas choisi. Et ensuite, on dit 40 depuis le début, mais moi, j'ai plus vu ça comme 20. Et 20, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On est vraiment sur. Ouais, donc c'est tellement. Il y a un peu de tout que. C'est... Alors tout le monde trouvera une chanson qui lui plaît. Oui, non, bah, j'en doute contre, pas. Les chansons plairont pas à tout le monde, quoi. Bah, c'est ça le problème. Ça, donc effectivement, c'est que ce qu'on espère pour le 2023, c'est un système d'abonnement au moins. Ouais. Enfin, soit une satellite plus grande de base, soit effectivement un système plutôt d'abonnement ou de reward, même si c'est pas toutes les chansons possibles. Que tous les mini-jeux soient pas dispo, parce que je pense que c'est plus compliqué à mettre en place. Mais oui, pourquoi moins pas limiter du coup au choix des mini-jeux. Hein. Ouais. Mais voilà, c'est qu'on a une setlist plus conséquente, quitte à avoir un système d'abonnement ou un système de rewarding game à force de jouer. Ça pourrait être agréable, et je pense qu'effectivement, sauter le pas un peu, parce que c'est le genre de jeu qui... Ou alors sortir un gros, et que chaque année, juste, il y ait, mise à jour, soit l'abonnement tout le temps, comme SingStar PS3, finalement. Voilà, SingStar PS3, c'était ça, c'est dommage. C'est un peu bizarre, parce que pour une fois qu'ils ne nous sortent pas un jeu service, c'est un type qui s'y prêterait très bien. C'est les jeux musicaux, où finalement, c'est que des pistes, à rajouter, c'est tout facile à dire. Il y a quand même du code derrière. Il y a du code derrière, attention, je ne suis pas là pour dénigrer le travail de notre karaoké, c'est du gros taf. Ouais. Mais effectivement, c'est des jeux qui, à service... Je pense marcherait de ouf. Mais après, je peux comprendre pourquoi le modèle économique, c'est qu'ils n'ont pas envie que juste on s'abonne un mois parce qu'on sait qu'on a une soirée ce mois-ci, qu'on s'arrête derrière. C'est aussi le problème de ce genre de jeu, alors qu'au moins en achetant un DLC, ils se sécurisent le prix, il est payé, il n'y a plus à revenir en arrière. Après, ils peuvent proposer un abonnement que tu peux prendre que si tu as le jeu, comme ça les gens achètent. Oui, non, mais ça évidemment, c'est que le jeu de base, ça j'ai aucun doute là-dessus. Voilà, après c'est eux qui font le modèle économique. Ah, c'est. Voilà, ça c'est juste... en tant que joueur utilisateur, on aimerait un abonnement. C'est ce qui nous plairait le plus. Bah, un abonnement ou, à défaut d'avoir l'abonnement, possibilité d'aller chercher la chanson à l'unité. Voilà. Même si c'est pour un prix légèrement plus grand que les chansons en pack. Au moins, on n'a pas 2-3 chansons qui ne servent à rien dans un pack qu'on n'aimerait pas avoir. Quoi. C'est ça. Est-ce que on a fait le tour de ce que vous vouliez dire ? Est-ce que vous voulez rajouter des choses avant qu'on conclue ? Je vous laisserai un mot de la fin pour vous dire finalement quand même votre ressenti personnel sur le jeu en 2-3 mots, mais est-ce qu'on a fait un peu le tour de ce que vous aviez à dire sur les fonctionnalités, un peu le jeu, etc., etc. Juste moi j'avais remarqué un truc que j'avais trouvé dommage, c'est ils ont censuré des chansons. Ah oui. Ouais, bah en fait c'est les radio edits, je suppose. Justement, c'est vraiment mal fait, c'est coupé en plein milieu. Ouais. Mais c'est un blanc au moment alors des que toutes ces chansons elles existent en version enfin explicit content. Ouais, mais après, je suis pas étonné parce que c'était pareil sur les Guitar Hero, c'était pareil sur quasiment tous les jeux officiels du genre. Par exemple, c'est la chanson d'Amy Winehouse, vous avez remarqué ça, qui existe en version radio où elle a changé les mots pour avoir une version Là, du coup, effectivement, censurée. Et là, c'est une version censurée mais coupée, quoi. Ouais, bon, du coup, à choisir si une version du coup non explicite existe, c'était le moment de les mettre, effectivement. Voilà, c'est ça. Mais après, c'est plus du détail. Ouais, oui, c'est un petit détail. C'est quand ça existe en. C'est comme la version Fuck You de Silo Green, elle existe en version normale. Ça, bah, s'il y avait la version juste censurée, ça aurait été un peu dommage, quoi. Ok, donc j'entends. Du coup, dernier petit mot, chacun, votre ressenti, si vous avez passé un bon moment sur le jeu, un moyen, un mauvais. C'est votre ressenti global, quoi. Oui, c'était sympa. Après, est-ce que ça vaut le prix? Je sais pas trop. Les chansons, moi je préférerais racheter peut-être une version à thème avec La version Queen, notamment. La version Queen, ouais, qui a l'air pas mal, mais c'est vrai que. C'est ce qui montre quelque part que le système de jeu en lui-même. Et sympa. Et sympa si on se dit qu'on rachèterait bien pour une setlist qui nous intéresse vraiment. Effectivement. La setlist, ça reste 80% de l'acte d'achat, on va pas se mentir. Hein. Donc, d'accord. Après, voilà, c'est que vous, de base, c'est forcément des musiques que vous écoutez tous les jours déjà. Après, pour quelqu'un qui aime vraiment ce type de musique, la musique donc très mainstream, très radio. Ça peut être très sympa pour une soirée, des soirées assez fun. Donc, ce qu'il faut conseiller le plus, c'est regarder la setlist. Et si elle vous botte derrière, il n'y a pas trop de doute sur le jeu. Et si vous regardez la setlist sur internet, faites bien attention à regarder la version française. Ouais, effectivement. C'est vrai. Parce qu'on au début, c'était compliqué à trouver les chansons. Maintenant, elles y sont, mais au début, c'était très compliqué. Et très bien. Est-ce qu'on peut rappeler le nom du jeu et les plateformes avant qu'on conclue? Le nom, c'est Let's Sing 2022 et est disponible partout sauf PC. Voilà, au moins globalement pour faire simple. Hein. Parfait. Merci bien d'avoir testé ça en tout cas, c'est cool. Merci d'avoir participé. Encore merci à Koch Media de nous l'avoir envoyé. Koch Media, vraiment merci beaucoup. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Annie Minute X Alpha Prime sur un nouveau jeu Koch Media d'ailleurs. Et puis, pas mal d'épisodes qui arrivent, on essaie de faire une grosse année. Et puis, j'espère que vous avez aimé les 2 ans. Voilà, c'est publié à l'heure où on enregistre. On a déjà eu des retours plutôt cool. Donc, merci d'écouter. Et puis, merci d'avoir été là. Et puis, à bientôt. Des bisous. Salut. Au revoir.